Voici le signal horaire du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement lundi, heure normale de l'Internet. Cette semaine, on fait des exercices de diction. On comprend rien quand tu parles. T'es sûr, j'ai un crayon dans la bouche. David devient sentimental. Et on fait jouer la toune Mauvaise Mine de Michel Rivard. Jaune des crayons. Moi, ça récupère avec un crayon dans la bouche. Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouveau, tout beau type de podcast qu'on appelle les podcasquettes. Ouais, bon, on a décidé effectivement de changer le concept parce que comme, on va dire, mettons, 99,99% des gens chialaient que nos anciens podcasts étaient bien trop longs. C'est-à-dire trois de nos quatre auditeurs, non? Ta gueule! Eh bien, on a décidé... Oui, compris. Eh bien, on a décidé de faire des mini-podcasts plus courts. Fait que c'est comme des podcasts miniatures, des podcasquettes. Ouais, un peu comme des tu sais, des petites planches, des planchettes ou... Des petites courges, c'est des courgettes. Là, c'est des podcasquettes. Ouais, ou des petites inters, c'est des internets. On avait pas dit qu'on la faisait pas, celle-là. Puis en plus, ça nous permet de faire un... mauvais jeu de mots, chose qui ouais. Est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Parce que nous autres, on met des chapeaux, pas des casquettes. Donc, on embrise. Ouais, parce qu'il nous reste pas rien à temps. On se présente, je suis le magnanime et surpuissant divinité, dieu, déesse. C'est déesse la console. Narf! C'est moi. Et avec moi se trouve David. Le légendaire. Et Oli. Ouais. L'ordinaire. Il y a plusieurs saveurs de lit, mais Oli est ordinaire. Et cette semaine, ouais. Le thème du podcast, c'est... Podcast. Ben, en fait, on en a pas. On a plus de thème, parce qu'on t'aime plus. On t'aime plus. C'est un verbe, le verbe t'aimer. Bon, donc on embraye avec la chronique à Oli. Là, à ce qui paraît, le fait que t'avais un crayon dans la bouche au début, c'était comme concept. C'est un concept. Parce que là, on va... Moi, j'ai pas compris, mais... Ouais, mais... Moi, j'ai compris. Parce que on va jouer à le super jeu Mad Gab. C'est quoi, l'annonce, là? Fouiller, fumer, pousser. Non? Hein? Mais, c'est un jeu, là. On n'écoute pas la TV. Où il y a des machins décrits sur une carte. Là, tu lis le machin, puis t'essayes de trouver comment ça sonne. Vous allez comprendre. On joue à ça, là. Ouais, ouais, ouais. OK. Bon, là, c'est ça ta chronique? Ben, oui, ben, j'avais pas de chronique. Ah, c'est de la tournée de ça va être drôle. Ok, là, j'ai 6-4. Puis, on va donner la première à Narf. Là, ceux qui connaissent pas ça vont comprendre le concept. Narf va lire dessus. Là, ça va sonner drôle. Il comprendra pas ce qu'il dit. Évidemment, nous, comme on l'entend, on va tout de suite comprendre. Puis, on va rire de lui parce qu'il trouve pas qu'est-ce que ça veut dire. Fait que Narf, je te donne lui parce que moi, puis David, on l'a déjà trouvé. Ce qui est écrit là. Ouais, ouais, go. L'assaut arrêt du... Ok. Faites-le à voix haute, vite, parce que ça va être là. L'assaut arrêt du hockey. T'as 10 secondes. La soirée du hockey. Oh yeah! Oh, yes. T'es là. Bravo. Merci. Je suis temps d'avoir une. Ouais, parce que j'ai eu le tour aussi. Père rôti des cartes. Quoi? Hein? Il l'a pas trouvé. Père rôti des cartes. Père rôti des cartes. Bon, ça va être long si on laisse trouver, fait que c'était partie de carte. Bon, je vais faire le prochain. Une B Amé à W. Quoi? Hein? Une B Amé W. Ah, oh, j'ai vu la réponse, c'est vrai. Attends, faut qu'on le devine, là. Une B Amé W. Ouais, ben, je vais le dire, ben. Le B à W. Amé à W. C'est à W. C'est une BMW. Oh, oh boy! J'ai rappelé que j'en façon que j'avais pas vu de réponse. Là, le problème, c'est que j'ai dit un vilain mot, là, pis là, ben, sur iTunes, il va falloir que je mette langage explicite pour vrai. Ok, cool. Ben, ça va mettre un petit tag rouge, ça va flasher. Ouais, regarde. Sans cri. Sans cri, c'est pas un mot. Sans cri. S'inscrira et tirage. S'inscrira et tirage. S'inscrire à un tirage. Je sais pas, faut regarder l'autre bord. Faut regarder l'autre bord. S'inscrire à un tirage. Je dis que t'es hot. Je suis hot. Non, pas lui. En fait, t'as sorti juste les cartes que tu savais pas, ils sont tough. Ok, c'était lui, finalement. Nulle lunette profitant son palier. Tu savais tout le monde. Nulle lunette profitant son palier. Lis-le vite, là. Attends, oui. Nulle lunette profitant son pays. Oh, oh, j'ai trouvé! Nul n'est prophète en son pays. Ouais, c'est ça. Boy! T'as lu la réponse. Ben ouais. Celui qui reste pour moi, c'est... Priced Baker. Quoi? Priced Baker. Priced Baker. Prise de bec. Oh, fuck. Oh! J'étais meilleur hier. Bon, ben, ça va mieux quand on est plate, je sais pas, j'espère que c'était pas trop plate. Non, mais moi, j'ai trouvé ça pas pire comme chronique. Ouais, en plus, c'était pas long, donc, ça passe. Ouais, c'était ça le but, c'était d'être pas long. Le but, c'est d'être pas long. Alors, on enchaîne avec, oh, la toune à David. Oh. On aime ça. On est toujours surpris quand ça arrive. Alors, je vais aller chercher la guitare. Non, oh, live! Pas ma guitare. On va chercher la guitare live. Ah. Ok, donc, la toune à David, cette semaine, on a choisi chacun un mot, comme d'habitude. Moi, mon mot, c'est lampe solaire. Moi, c'est embryon. Puis moi, c'est boîte de rangement. Et là, David va nous composer une toune avec ça. Go. As usual. Laissez-moi deviner, ça va être l'histoire d'un gars. C'est toujours ça. Qui est né en embryon, là, en dessous d'une lampe solaire. Il a donné une boîte de rangement. Ok, c'est bon, j'ai trouvé mon accord. Okay. Ton accord. Ouais, cette fois-ci, je vais faire une toune à un accord. Tu sais, j'ai parti à un groupe seul qui s'appelle L'accord. C'est pas les le trois. Un accord. C'est pas les trois. Les six accords. Ah, les six accords. On devrait faire ça, même. Ouais, hein, les six accords. Ça nous prend une couple de personnes de plus. Ben. Bon, ok, go. Ouais. Go. Bon. D'une fois, en arrière d'un hôpital, j'ai une boîte de rangement. Dans cette boîte-là, il y avait, non pas un, mais deux embryons. Y'en a un qui était en haut d'une tour. Une lampe. C'est pas un embryon, mais une lampe solaire. Quoi? C'est quoi la fin? Non, l'embryon, c'était pas un embryon, c'était une lampe solaire. Ah. C'est ce qu'on appelle une fin inattendue. Bon. Ah ben, c'était une toune express pour un podcast express. Un podcast express. Ouais. Ah, on a dit qu'on mettait des S. C'est les podcasts. Ouais, mais là, c'en est mais un. Mais c'est parce qu'à l'oral, on s'en fout. On s'en fout. Bon. Alors, c'est déjà tout. Ça passe vite, on n'est pas habitué, hein. Mais ça va être déjà tout pour le podcast numéro 1. On vous attend en grand nombre la semaine prochaine pour le podcast numéro 2 qu'on va enregistrer tout de suite. Parce que on s'est dit que 3 fois plus de contenu, mais une seule soirée d'enregistrement, c'était bien plus winner. On n'a pas 3 fois plus de contenu. On en a autant, mais on l'a séparé en 3. On l'a comme déconcaténé. Oh, c'est le mot de la fin. Déconcaténé. Ça doit faire de maths, ça. Hein? Bon. Non. Concaténé. Non, mais la concaténation, on fait juste ça. Pas quand tu mets des affaires dans le monde. Non, c'est pas en informatique. Ah, c'est en informatique. Ouais. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, ah, on va se laisser sur la toune que Ali a choisi, qui est une joke de crayon. Je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est un crayon. Ok, parfait. C'est une très bonne toune, par exemple. Ouais. Puis ce coup-là, d'habitude, on va peut-être pas les laisser tout le temps au complet, mais ce coup-là, on va la laisser au complet. C'est la toune Mauvaise Mine de Michel Rivard. C'est vraiment spécial. Alors, on écoute ça, puis c'est pas mal tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est une chanson engagée. C'est l'histoire d'un gars qui a été engagé dans une mine. Et il part pour aller travailler. Ouais, mais la chanson raconte le bout de ce qu'il part pour aller travailler à la mine, mais l'histoire du gars, finalement, est plus longue que la chanson. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui est né, qui fait de l'enfance pendant quelques années, devient adolescent sans trop savoir pourquoi, se dirige tranquillement vers l'âge adulte, devient adulte et est engagé pour aller travailler à la mine. Il part pour aller travailler à la mine. Et pendant qu'il travaille à la mine, sa blonde en profite pour être moins fine, mettons. En tout cas, c'est une histoire triste et ça s'intitule tout simplement « Mauvaise mine ». Mauvaise mine, tu m'as pris mon amour. Merci. En la mettant enceinte pour toujours, j'étais parti en chantant, je reviens en sacrement. Mauvaise mine, je me semble, ce jour, 33 mois dans la mine englouti, 100% sûr de ma tendre amie, je lui envoie mon cœur par écrit, mais elle avec lui Rémi, elle en rit au lit. Mauvaise mine, tu m'as pris mon amour, en la mettant enceinte pour toujours. J'étais parti en chantant, je reviens en sacrement. Mauvaise mine, je me... Ça, je sais pas trop exactement qu'est-ce que c'est... Mauvaise mine, je me semble ce jour. Maintenant, sur le chemin, je viens. Mon auto au volant de ma main, je repense à rebours la mémoire de nous voir mariés au ras. L'oratoire, mauvaise mine, tu m'as pris mon amour, en la mettant enceinte pour toujours, j'étais parti, olé, je reviens, olé, j'étais parti, olé, je reviens, olé, j'étais parti, olé, je reviens, olé, mauvaise mine. Je me semble ce jour.